Que notre Dieu nous bénisse richement. Mungu wetu atubariki katika utajiri yake. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Niko na msalimia mbote mjina bwana wetu Yesu Kristo. Vous êtes dans la joie? Eti mungu katika fura. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Devons-nous pour lire la parole du Seigneur? Tu tasoma neno tushimami. Prenons le livre de Marc chapitre 16. Bébé kitabu ya Marko sura 16. Verset 15. Mstari 15 jusqu'à la fin. Fika pana kumuji. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Uko nasoma mjina bwana wetu Yesu Kristo. Puis il leur dit. Kisha akabambia. Allez par tout le monde. Nendeni fazi yote. Et prêcher la bonne nouvelle na mubiri habari njema à toute la création. Ku maumbile yote. Celui qui croira ule atamini et qui sera baptisé na atabatiziwa sera sauvé ataokolewa. Celui qui ne croira pas ule atamini sera condamné ataukumiwa. Voici tazama les miracles qui accompagneront ma miujiza tashindikiza ceux qui auront cri bale batamini en mon nom mujina langu. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de boivant ou mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Ils se n'allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Gloire, gloire. Alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, Jésus. Cet après-midi, tu as permis mon frère, tu as permis ma soeur, tu nous as permis tous pour venir te rencontrer avec toi. Nous savons bien dans nos cœurs que nous ne sommes pas dignes. Un seul qui est digne, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez nos péchés. Ne regardez pas nos fautes. Nous sommes devant toi comme les enfants devant leur père. Parle-nous Seigneur quand nos cœurs ont besoin de t'écouter. Écartez l'homme du chemin, mais toi-même parle à ton église. Bénis cette lecture de la parole que nous venons de lire. Bénis toute oreille qui va entendre. Et souviens-toi de nos problèmes que nous avons dans le cœur. cœur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous la victoire. Que le nom du Seigneur soit remercié. Tout ce qu'il vient avec nous, l'esprit de distraction, malentendement, soit chassé loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies dans le corps puissent nous quitter. Nous voulons la rétablissement, la guérison totale, au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Bien-aimé. Parfois, tu ne me comprends pas. Mais, de toutes les façons, soyez attentifs. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des bonnes choses que nous parlons. C'est pour notre expérience. Chacun de nous doit avoir une expérience. Cette expérience doit être vaincue par la parole. Parce que Jésus revient bientôt. Notre Dieu, il revient. Mais il ne peut pas venir sans nous préparer. Il doit nous préparer premièrement. Et le seul moyen de nous préparer, c'est par le moyen de la parole. Alléluia. Amen. Et j'espère bien que vous tous ici, vous êtes les croyants de la parole. Vous êtes les croyants de la parole. Et notre Dieu, il est dans sa parole. Si nous croyons à sa parole, nous verrons les œuvres de la parole. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croit à la parole doit voir les œuvres de la parole. Parce que la parole a été donnée. Ce n'était pas pour les arbres. La parole a été donnée. C'est pour nous les humains. C'est lui qui la croit. Est-ce que vous me comprenez? À celui qui croit à la parole, il verra les œuvres de la parole. Amen. Amen. C'est pour cela. Ça, c'est un commandement où Dieu a donné à l'église. Il donnait aux apôtres. Parce que l'église était fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dieu lui-même était le Pierre Angulaire. Et il a donné un commandement pour que chacun qui reçoit la parole apostolique, la parole prophétique, il a les effets de cette parole. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, il a donné la parole aux disciples qui sont des apôtres. Et cette parole, c'est la parole de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et quand nous la croyons, nous verrons les œuvres de la parole que nous croyons sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne voyez pas les œuvres de la parole, c'est-à-dire la parole n'est pas sur toi, ou bien tu es faussé quelque part, et tu dois l'arranger afin que la parole puisse produire ses effets. Est-ce que je ne suis pas clair? Eh bien aimé, il faut savoir ça. Et Dieu, Namungu, il a donné l'ordre aleta gizo, aux disciples. Kubafuasi, il dit, anasema, allez partout le monde. Nendeni fazi yote. Amen. Amen. Cette parole, neno, c'est pour nous les croyants. Ni yetu sheba minifu. Ce n'est pas pour n'importe qui. Aina ya mtu ote ote. Et c'est ça que aussi nous devons expérimenter. Na njure na shetu napasha kuonja. Avant la venue du Seigneur. Mbele ya kuja kwa Bwana. Amen. Amen. Il dit, anasema, allez par tout le monde nendeni fazi yote, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yote, celui qui croira ule atamini, et qui sera baptisé atabatiziwa, sera sauvé. Ataokolewa. Et celui qui ne croira pas na ule atamini, sera condamné. Ataokumiwa. Voici tazama, les miracles mamiujiza, qui accompagneront ile ceux qui auront crié. Bien-aimé, le ciel est la terre passeront, bita pita, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Est-ce que vous comprenez? Ma parole peut passer, la parole de votre pasteur peut passer, la parole d'un prophète peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Sur cette parole que Dieu a donnée n'a pas des effets sur nous. Nous devons nous vérifier de la manière que nous avons crié à cette parole. Est-ce que nous sommes à la vérité de la parole? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a donné la parole. Sa parole, ce n'était pas toi qui l'a obligé. Mais lui-même, il a senti bon de nous envoyer la parole. Et il dit aux disciples, allez partout le monde. Ce n'est pas seulement là-bas là où ils étaient, mais partout le monde, là où il y a la parole, sera prêché. Et si celui qui croira sera baptisé, atabatiziwa, sera sauvé. Natakolewa. Voici tazama, les miracles mamiujiza, qui accompagneront celui qui aura crié. C'est une promesse pour l'église. Ni malako kukanisa. Alléluia. Amen. Et si toi tu crois, na kama wewe unaamini, tu dois recevoir cette promesse. Unapasha kupokea hii malako. Nous devons le voir. Tunapasha kuiona. On n'a pas donné seulement aux hommes. Aba kuipatia tu pa kwa naume. Mais cette promesse malako, est pour celui qui croit. Ni yeyote unaamini. C'est le moment où nous devons vérifier ni wakati unapasha kuchunguza notre manière, namna yetu, notre façon de faire des choses, namna yetu ya kutenda mambo. Est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Eti kumunye kuambatana na neno la Mungu. Est-ce que c'est conforme? Na kama ikunye kuambatana. Pourquoi Dieu n'arrive pas? Jua nini Mungu yashi accomplir ashikuye kutimiza les promesses sur ma vie. Malako yake yule maisha yangu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mimi sijue kama Mungu sawa. Moi souvent, mi kila mara, quand je vois quelque chose qui ne va pas, wakati mna kitu mwa kiendeke, je dois déranger Dieu. Mimi napasha kumuzi Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti parce que Dieu, tu m'avais dit, mais moi je crois de tout mon cœur. Je ne vois pas quelque chose qui m'échappe pour que je ne sois pas incroyant. Maintenant, j'ai besoin de tes accomplissements. L'accomplissement de tes promesses. Est-ce que vous me comprenez? Parce que sababu, ne soyez pas dans les habitudes. Là, je répète. Là, ma soeur, dada yang, mon frère, ne prenez pas cette œuvre dans les habitudes. Le message, jumbe, c'est la vie de Dieu lui-même. Ni ya Mungu le message, jumbe, c'est une expérience personnelle. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Tout cela c'est pour nous montrer que nous sommes dans la vérité. Il ne faut pas jouer. Bien-aimés, quand les promesses de Dieu est écrite dans la Bible, ce n'est pas pour que ça retourne à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Toutes les promesses bibliques, ce n'est pas pour que ça retourne à Dieu. Mais toutes ces promesses, c'est pour que nous les croyons. Celui qui croit à Dieu sincèrement, il doit participer dans toutes ces promesses bibliques. Mama lako yake yote mu Biblia. Jésus revient. Yesu unarudia. Jusqu'à quand? Kufika na wakati kani? Nous sommes toujours des fainéants. Tutabaki hapa washipo kufanya kitu. Nous n'appliquons pas la parole. Atutumikishe neno. C'est pour cette raison. Jo kwa mana. La question vous pose. Ulizo na miluiza. Est-ce que dans le quartier? Eti mwa quartier. On vous connaît que tu es chrétien. Eti wanakujua sio kumu Kristo. Est-ce que même ta femme? Eti hata mke wako. Connaît que tu es chrétien. Anajua sio kumu Kristo. Est-ce que ton mari? Eti bwana yako. Connaît que tu es chrétien. Anajua sio kumu Kristo. Parce que vie chrétien. Sababu maisha ya Kristo. On ne la cache pas. Aba ifichaki. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa. On ne la cache pas. Aba ifichaki ile maisha. La vie chrétienne. Maisha ya Kristo. Ça se voit. Parce que c'est une expérience. Sababu ni onjo. Ce n'est pas clair. Vous comprenez? Si tu te caches, tu te caches toi-même. Kama una jificha wewe mwenyewe. Mais nous ne savons pas ça. Sha tujue ile. La Bible dit. Biblia nasema. Bakoye babangu na mbuma. Batabajua. Mbuma zani. Batabajua matendo yayo. Ce sont les œuvres. Ni matendo. Tukoye babangu na mbuma. Tutabajua ku matendo yapo. Écoutez. Musiki. Voici le miracle qui l'accompagna ceux qui auront cri. Tazama miujiza tashindikiza wale watamini. Oh mon nom. Mujina langu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Toi qui crie. Wewe unalalamika. Toi qui crois. Wewe unaamini. Au nom de Jésus. Mujina Yesu. Écoutez ce que vous allez faire. Mushike kile mutafanya. Il dit. Anasema. Ils chasseront les démons. Batafukuza mademona. Ils parleront de nouvelles langues. Batasema maruga mupya. Ils saisiront des serpents. Batashika bamba babanyoka. Ils boivent quelque chose boivant mortel. Ataba nakunywa vinywaji mwa kuleta lufu. Ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ce sont les promesses de l'Église. Ni mama lako ya kanisa. Bien aimé. Bapen. Il faut éviter. Inafai wepuki. Une vie de l'histoire. Maisha mwa ya muadisi. Parfois. Sa zingine. On vient ici. Unakuya hapa. On ne vient pas pour prêcher Paul. Atukue njua kubili Paulo. Alléluia. Amen. Mais on vient. Lakini tukuna kuya. Vous donner l'expérience. Umipatia maonjo. Que Dieu a fait à travers Paul. Ile Mungu alifanya pamoja na Paulo. Et c'est pour ça cela. Eti mnashia mzuri. Oyo njamba sala ki à travers Paul. Ile Mungu alifanya pamoja na Paulo. C'est ça qu'on est en train de vous transmettre. Ile tukuna mitangazia. Oyo njamba sala ki à travers Pierre. Ile Mungu alifanya pamoja na Petro. Pour que ils servirent Dieu, sawa vile. Lere yo zaliko yoka. Iyo wakati mshia. Zaliko sekuwe motema na yo. Ipate kutengesha roho yako. Pote yo pusala bongo. Juu na upate kufanya paka vile. Est-ce que vous me comprenez? Eti mungu nanyeleo. Ils ont secoué mon thème na yo. Inapasha kutengisha moyo wako. Juu na wewe. Osale loko wana. Na upate kufanya paka vile. Eza la yo. Juu ikwe ikwe. Eza la Paul. Iko au ikwe Paul. Eza la Pierre. Au ikwe Petro. Bilonyoso. Bobote. Bozali ndenge mokwe pana tate. Watu ba muwa mbele ya Mungu. Est-ce que tu allez comme ça là? Eh tu mnashikia? Soki. Pierre. Wakati Paul. Paul. Pierre, Petro. Bango ba yakiri boso. Bo bari kwa mbele yetu. Bako keki kokoka makambo nyoso pino na sukate. Aba kuweza ku. Pa ezala kina peuple moko reservé. Na bo bari kwa taifa mwenye kusimiwa. Komba ya peuple wana. Na jina ile taifa. Ezali yo. Kwa ni weye. Ezali yo mase. Kwa ni we dada. C'est pour cette raison. Kwa ile sababu. Dieu dans sa grâce. Mungu mnema yake. Il nous a envoyé. Alitutumia. La parole de la restauration. Neno ya kuturudisha. Cette parole. Ile neno. Le message du temps de la fin. Ujumbe wakati ya mwisho. C'est pour nous restaurer. Njia kuturudisha. A la foi apostolique. Kurudisha mu imani ya kimitume. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanyelewa. Vous me comprenez? Eti mnanyelewa. Oh, je n'ai pas bien saisi. Oh, mishi kufuata. C'est clair. Iko wazi. Dieu. Mungu. Il travaille. Eko natumika. Selon la dispensation. Kufatana na ma à chaque âge. Mkila kizazi. Il travaille. Eko natumika. Il travaille. Eko natumika. Mais dans chaque âge. Lakini mkila kizazi. Il y a des enfants de Dieu. Muko batoto ya Mungu. Écoutez-moi bien. Unishikie muzuri. Dans chaque âge. Mkila kizazi. Il y a des enfants de Dieu. Muko batoto ya Mungu. C'est pour cette raison. Njoo kwa ile sababu. Dieu suscite. Mungu eko na la mushi. Sa parole. Neno lake. Pour la restauration. Juu ya kurudishwa. De ces enfants là. Bashisha batoto yake bali. Et comme nous sommes ici, nous sommes les enfants restaurés par Dieu lui-même à travers sa parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il nous a restaurés? Nous devons l'expérimenter. Vous savez, même au temps des apôtres, il y avait des hommes et des femmes qui expérimentaient Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand il regarde Jésus, il dit, cet homme, il n'est pas comme nous. On l'accuse pour rien. Cet homme, c'est un saint. C'est un Dieu tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Je dois le prendre en valeur. Je dois le considérer. Je dois le mettre à sa place. Beaucoup ils expérimentaient Dieu. Et il faisait ce que le cœur et l'amour de Dieu le poussait de faire. Amen. Amen. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, dans cette église que vous voyez, l'église épouse, il n'y a pas un fainéant. Chacun doit recevoir son don que Dieu l'a donné selon la mesure de la grâce qu'il a reçue. Et ce don-là, non pour t'édifier toi-même, mais c'est pour nous édifier tous. Ne soyez pas un grand. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, c'est pour nous édifier. Amen. Je viens de voir notre frère. Il chante. Et tout le monde est en harmonie. Peut-être c'est le don que Dieu l'a donné pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Tout cela c'est pour l'édification du corps de Christ. Tu n'es pas un chômeur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit Franck. Je prends lettre circulaire décembre 2006. Cri d'appel au réveil. Cri d'appel au réveil. Écoutez, bien-aimé, nous ne voulons pas former des chrétiens qu'ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Et nous ne voyons pas la vie de la chrétiennité. Et frère Branham dit, on appelle le chrétien qui? Un chrétien, c'est celui qui une partie de Christ est en lui. Si une partie de Christ n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Alléluia. Amen. Celui qui est chrétien, c'est celui qui expérimente Christ. Jésus revient. Il ne faut pas l'arrêter. Si son jour arrive, il revient certainement. Toi, restez dans la distraction. Dieu nous a donné des promesses, page 1. Mamalako. Dieu nous a donné des promesses concernant tout ce qui est prévu pour nous dans son plan d'Isali. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il ne nous a jamais caché. Il nous a donné toutes les promesses qui est prévues pour nous sur la cause du plan de Sali. Bien-aimé, jamais on doit commencer à expérimenter ici. Alléluia. Amen. Il y avait un frère qui avait chanté dans les anciens cantiques. Il chantait. Liboso na biso kolongwa. Liboso na biso kolongwa. Namokiri oyo. Liboso na biso kolongwe. Tokotika lokito. Moto soki aliaki biloko ya satana. Kama mtu aliaki ya satana. Apate kumurudishia biyo. Biloko na yeo. Bitu yake. Zongisela satana. Umurudishia biyo shetani. Est-ce que nous comprenons? Eti tukunaelewa. Avant notre départ. Mbele ashe kutoka. Le monde doit comprendre. Dunia napasha kuelewa. Doit savoir. Napasha kujua. Qu'il y avait des chrétiens sur la terre. Kwa ba Kristo pa dunia. Le moment ici que nous vivons, c'est le moment de faire retourner au diable toutes ces bagages. Retourner au diable toutes ces bagages. Ce n'est pas d'importance. Parce que nous, Dieu nous a tout donné. Les promesses qui concernent notre salut. Et ceux qui croient selon la vérité, ils expérimenteront leur accomplissement. Si tu crois selon la vérité, ils expérimenteront leur accomplissement. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de l'histoire. Nous ne formons pas de clubs. Nous ne formons pas de groupes. Nous ici, nous traitons pour les élus. Et Dieu m'a fait ministre. C'est pour les élus. Si tu n'es pas élu, c'est à vous regarde. Ton problème est avec Dieu. Mais moi, je suis ministre à cause des élus. Le temps est arrivé, frère. Je ne sais pas. Demain ou le lendemain. Ça ne sera pas pour toi. Bien aimé. Expérimentons la parole. La parole que toi tu crois. Nous devons l'expérimenter. Alléluia. Amen. Pourquoi des promesses ne s'accomplissent pas au milieu de nous? Pourquoi nous avons toujours des tâtonnements? Il n'y a pas de position entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est le temps. Ni wakati, quand quelqu'un croit à Christ, wakati mtu anaamini kwa Christ, il donne son cœur à Christ. Anapeleka moyo wake kwa Christ. Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe prendra la charge de cet homme. Atabeba buzito ya ule mtu. Et il commencera à le diriger. Na ataanza kumuongoza. Ça ne sera pas toi. Haitakuwa wewe. Qui va dire comme Paul? Utasema sasa Paulo. Ce n'est pas moi qui le vis. Haina mimi kuna ishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Je ne suis pas ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nema ya Mungu. Les amis ont expérimenté. Barafiki, jusqu'à quand nous allons expérimenter? Ufika na wakati gani nashe tutaonja? Le prédicateur va prêcher. Mubiri ataubiri. Le pasteur va prêcher. Pasteur ataubiri. Il y a d'autres qui meurent même avec des gastrites. Kubeni be unakufa na maisoma. Avec des hémorroïdes. Bengine be unakufa na hémorroïdes. À cause de crier. Sababu ya tu ya kulalamika. Crier. Kulalamika. Mais nous sommes toujours ce que nous sommes. Lakini shetu kupaka vile tunekala. Non mon frère, ma soeur. Hapana ndugu yangu na dada. Nous devons vérifier. Tunapasha kuchunguza. Et avoir peur et crainte. Na kuwa na oga. De notre propre vie. Aujourd'hui ou demain, si je meurs, j'irai où? Aujourd'hui, si le Seigneur vient, moi j'irai où? Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, avant ya kubonana, on mata masua, on mata avion, il faut dege, la silence. Il faut que la silence. Il faut que la silence. Il faut que la silence. Il faut que la silence. Il faut que la silence. Il faut que la silence. Il faut la silence. Il faut demain je vais voyager. Même si je dors, mais demain je suis en voyage. Les assurances doit avoir dans ton vie qui est reconnaissant. Que je suis voyageur. C'est la même chose avec un croyant, un chrétien. Toi-même, tu dois te connaître que je suis croyant. Et nous allons approuver. biso bato che bantu tokoya nde kondimisa tutakuya tunjo kusema ndio moto oyo ya sola zara kabungu ya kusema ni kweli huyu ni mkristo yomo konda no miyebi wewe mwenyewe unajichua. Alleluia. Amen. Totikala bilema kaka yako tutanisa na kama baku mabaku mabaku totikala obere bato yako tutanisa na kama baku. Alala. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là. Uniquement c'est pour se scandaliser. Je vais te scandaliser. Toi tu scandalises l'autre. Ça ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne. Tout le monde doit te comprendre que tu es chrétien. Parce que toi-même tu es si. Bien-aimé, ma peine. Dieu ne joue pas avec les gens. Notre Dieu, qui ne joue pas avec les gens. Parfois, nous sommes là. Nous se disons, nous sommes dans la vérité. Et pourtant, nous prenons notre ligne. Et Dieu est en train de prendre son ligne. Parce que là où il y a Dieu, il y a une expérience. Il faut faire un effort d'avoir l'expérience personnelle qui ne regarde personne. Expérimentons la vérité. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Yes, on a dit à Pastas. Abraham a crié que Dieu Ibrahim lui avait promis et il ne douta point par l'incrédulité. C'est ainsi qu'il expérimenta finalement l'accomplissement de ce qu'il était humainement impossible. Les véritables croyants sont la semence d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Voyez un homme comme Abraham. Lorsqu'il était sûr de Dieu, lui n'avait pas l'incrédulité. Il savait bien ce qu'il est. Et il n'a pas même regardé même son âge. Est-ce que vous comprenez? Mais il avait confiance à Dieu Tout-Puissant. Il sait que notre Dieu, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche ardemment. Notre Dieu, il a le réconfort. Il a gardé la silence. Il a gardé la promesse. Et jusqu'à ce que il a vu la promesse commence à s'accomplir. Et frère Franck dit, tout croyant, il est la semence d'Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque nous disons que nous croyons à la parole, cette parole que vous croyez doit produire les effets. Abraham croyait en Dieu. Ibrahim a produit les effets. Il lui a donné cela la promesse. Et si nous sommes la prospérité d'Abraham, nous devons croire à la vérité. Et lorsque nous croyons à la vérité, Dieu est la véritable vérité. Il vient d'accomplir ce que nous croyons dans nos vies, dans nos vies. Dieu ne ment pas, frère. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Amen. Il fait selon sa parole. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons être différents de toutes les dénominations. Nous devons être différents. Alléluia. Amen. Moi, une fois, j'avais arrêté même à ma femme. J'entre comme ça. Je vois ma femme. Ils ont mis des histoires d'un pasteur dénominationnel. Il commence à regarder. Je fais des miracles. Je fais ceci. Et quand j'entre comme ça, je trouve. En tout cas, je les ai ravis vraiment la télécommande. Miri banyanga ya télécommande. Ah oui, mais c'est quoi ça? Misse maninini. Est-ce que bato wana? Eti ya babatu. Tous ceux qui sont là. Bale bote bekule. Qui sont conformément à la parole. Eti be unafanya bitu fatana na neno. Est-ce que vous croyez que ce qu'ils font là? Eti mungu na mie tibe. C'est une vérité. Ni bitu bya kweli. Ça c'est la vérité. Eti le ni ukweli. Transformé en mensonge. Eti kubadilishwa mubongo. C'est lui qui a cette vérité. Ule kuna ile ukweli. C'est toi. Ni wewe. C'est toi. Oui. Toi tu es le pasteur. Oui, pasteur. Tu fais des miracles. Et pourtant dans ton église, il y a des diacres des femmes. Vous permettez aussi des femmes monter à la chair pour prêcher. Il y a des hommes qui viennent avec des cinglés, des collants dans ton église. Quel miracle que Dieu peut adopter. Ça c'est du diable. Il est ni à Shétan. On suit celui qui a la vérité. Bana fataka ule kuna ukweli. Quand il lit la parole. Wakati anasoma neno. Quand tu regardes son église. Wakati unaangalia kanisa yake. Tu vois que c'est réel. Unaona kusema ni bitu ya kweli. C'est une église apostolique. Ni kanisa ya bamitu. Et c'est comme une autre église ici. Iko sawa hii kanisa yetu. Quand on vous regarde. Wakati banimiangalia. On voit que c'est une église apostolique. Unaona kusema ni kanisa. C'est là où toutes les promesses. Jo mule malako yote. Doit être accompli. Napasha kutimilika. C'est là où nous devons mettre notre espoir. Jo mule tunapasha kuweka matumaini yetu. Notre confiance. Matumaini yetu. Parce que là-bas. Il y a la vérité. Peko ukweli. Église est mokona mokile ko bangisa ngai zate. Kanisa muata mwa ito zinchi shaboka inaku. Mon frère. Banduku. Ma sœur. Dada yangu. Kaka ngai ndeko na bino oyo. Mi nduku yenu uyu mna. Nazan église ko bangisa ngai te. Hakuna kanisa tamu ete nshi shaboka. Ata église message. Atanye kanisa ya mujumu. Nani église ko bangisa ngai. Hakuna kanisa tamu ete nshi shaboka. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Si je viens dans votre église, moi j'observe. J'observe. Je ne suis pas hypocrite, frère. Et si je ne vois pas la vie de la parole, je vais frapper la parole. Si tu écoutes, tu seras guéri. Une fois, j'étais à Chicap. Soit disant dans une église du message. Il croit au ministère de Frère Branham. Il croit au ministère de Frère Franck. Et je suis arrivé. C'est la première fois que je me vois avec ce pasteur-là. Quand je suis arrivé, il me dit, Théo, cherche toi. Tafuta. Sentir bien. Mais tu vas prêcher après une semaine. Je dis mon frère. Je suis dans le voyage missionnaire. Beaucoup de temps comme ça, ce n'est pas bien. Wakati ya mingi, il me dit restez là. Lorsque je suis entré dans leur bureau. Wakati j'ai trouvé la gaivota. Mina kutamo gaivota. Le kuka. Est-ce que vous connaissez la gaivota? Gaivota na kuka. Gaivota, ce sont des, comment on appelle ça? Ce sont les vins là que les gens sont en train de vendre. Gaivota ni vinyo mwa batu na yujisha. Ce sont des bières des Angolais. Makuka ni pombe mwa ba Angolais. Les boissons alcooliques des Angolais là. Ni pombe mwa ya makari ya ba Angolais. Ça c'est bière. Kule ku Kinshasa ni des bières, des whisky, de tout consort. Whisky na bitu bine bine. Dans leur bureau. Mu ma office yabo. Je dis ça. Bila sema. Ça c'est l'église que je suis entré. Yi ni mukanisa mule miringi. Quand je regarde d'autres sœurs. Ni kangara batata bingi. Des cheveux avec des couleurs. Huko mwa manywele na marangi rangi. Ah. Sema. Ça, c'est l'église du message. Et ok, ce n'est pas un problème. Okay, on va m'accorder la chair. Bien-aimé. Bien-aimé. C'était terrible. Alléluia. Amen. J'ai travaillé. Miri leur pasteur m'a donné un mois. Pasteur a prêché la parole. Lui, il m'a quitté, il est parti à Canaan. Je suis resté avec son associé. Après, ils ont fait la réception. Ils ont réception. Commencé à me poser des questions. Kunyuliza, frère, Nduku, tu vois ce qui entre. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui sort, c'est un péché. Zambi. Et les désirs de. Frère, j'ai dit frère. Nikasema, Nduku. Ça n'a même pas d'importance. Il ne faut même pas m'expliquer ça. Anatabia kunifasiria bile vyote. Parce que tout ce qui n'édifie pas n'est pas beau pour un croyant. Lorsque vous prenez, c'est pour édifier qui? Même si vous mangez, et ce que vous mangez là n'édifie pas les gens. Est-ce que c'est valable de prendre? Ne soyez pas scandalés. Il ne faut pas scandaliser aussi les autres. Écoutez, frère. La véritable croyante sont la semence d'Abraham qui ne s'égare pas par l'incrédulité car ils sont en eux-mêmes hein, des enfants de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Les promesses de Dieu demeurent vraies pour toujours par l'alliance de son sang. Et Jésus a scellé ce qui a promis dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Et chaque promesse, il y a un absolu, une assurance divine qui ne laisse pas de place dans un doute. Nous ne disons pas la parole. Mais nous pratiquons la parole. Est-ce que vous comprenez? Écoutez une chose. Monsieur, père est revenu, le prophète Branham. Paragraphe 38. Soyez attentifs, frères. Dieu nous a envoyé un bon message. C'est pour nous préparer certainement. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans les histoires. Nous, c'est la vie qui travaille. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole, ça ajoute quelque chose dans ta foi. Ça ajoute quelque chose dans ta foi. Quand tu viens à l'église, tu viens ajouter quelque chose qui secoue ta foi. C'est pour cela un bon enfant de Dieu, à tout moment, il est toujours spirituel. Vous n'allez pas le trouver charnel. Parce que lui, quand tu viens, il réclame seulement les écritures. Il regarde seulement ce que dit la parole. C'est pour cela, là où il y a Dieu, là où il y a la vie de Dieu, vous ne trouverez pas de médisances, de calomnies, la haine. Vous n'allez pas trouver ça. Parce que ce sont des produits du diable. Mais devant nous, c'est la communion fraternelle. Nous sommes dans la communion. Et c'est la grâce de Dieu qui règne. Paragraphe 38. Père est revenu. Baba Saïnafik. Puis, lorsque vous vous mettez à lire la Bible, vous rendez compte que bon nombre de choses, bon nombre de choses que Jésus avait dites se produisent dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Quand tu prends la Bible, tu le lis, tu dois comprendre que tout ce que Jésus avait dit doit être accompli ici dans l'église. Alléluia! Amen. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment, s'il vous plaît. L'église, c'est toi l'homme. C'est toi la femme. Nous sommes construits l'église. Et tout ce que Jésus avait dit, ça doit avoir l'accomplissement dans notre vie. Ah, bien-aimé. Ce sont des profondes choses. Hein. Mambo ya hivi kama unaikosa haina mzuri. Tabernacle. Dio. Nous on n'a pas besoin de tabernacle. Chez nous lazima na tabernacle. Nous on a besoin. Chez nous lazima. De la parole. Ya neno. Est-ce que vous comprenez? Et mon éléo. Soyez un homme de la parole. Vous partez quoi mutu aneno? Ah wa dengue to sangani yao. Ah wa pato na kujikusanya. To mabena maramu. Tuna jikusanyika na watu wazuri na babaye. Sasa kena wao za voisin na one moto ma. Wa hapa na kuwazia sema huyu mwazia wangu jo mzuri ana mtu mzuri. Nena za wana. Pale kwa pale. Ofande line na grametre. Unakuyo likala pembeni ya mbwa. Bona koloba yake. Soki to sangani boye. Asebi tunajikusanyika hivi. Lero fandi wana pemeni na yo kando kando ya eza na grametra za wana eko buwana mua muntu mbae elema grama sabere ya diable mwye kuya mbalozi wa shetani zomono naona aloso kontake alike na tabernacle sasa kama unaweka ile hali prom tabernacle utabakia memete ton espoir lakini weka matumaini yako ala paro ndani ya neno. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela ne suit pas. Il est na, ifuate, Jésus a dit. Yesu arisema, il accompagneront ceux qui auront cru. Itashindikiza wale batamini. Pas peut-être. Awo asema sa zingine. Pas probablement. Awo, pa peut-être, pas pendant un certain temps. Awo, wakati mwa fulani. Il a dit. Arisema, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Wale batamini. Et cela na, ile, a été promis jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? La promesse là est pour la fin du monde. Ce n'est pas seulement à cet âge des disciples. Il dit, j'aimerais avoir la passage de l'écriture là où il a dit qu'il est retiré cela. Frère Branham dit, Dieu n'a pas retiré ça. Dans ce cas, il est contredit sa propre parole. Voyez-vous dans quelle confusion vous retrouvez. Voici les miracles qui accompagneront ça. C'était un mémorial, un mémorial marquant, la marque du véritable croyant. Cette promesse est un mémorial marquant et sa marque est véritable croyant du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frère. Joko, malgré le temps est parti. Atavile wakati cha kuenda. Je vais continuer demain. Bien aimé. Bapen. Depuis que tu as cri. Tangia pale uriamini. Qu'est-ce que toi tu as expérimenté? Nini lusha kuonja. Selon la promesse à celui qui croit. Ufuatana na malaku kwa ule anaamini. Mais toi tu dis que tu as cri. Wewe unasema usha kuamini. Tu es un frère. Uko nduko. Dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. Tu crois au message. Unaamini mujumbe. Tu crois aux promesses. Unaamini kwa malaku. Mais qu'est-ce que tu nous prouves? Sasa nini utakuwa kikishia? Tu nous prouves en quoi? Où t'es toi qui chie à Nini? Frère! Nduku. Toti kabiloba loba. Toi tu es bien kusema sema. Nzamba zalaka na biloba loba te. Mungu anawa kusema sema sema. Nzambe nde bomoi. Nzambe Mungu ni bushima. Nzambe bomoi. Mungu ni maisha. Dieu c'est la vie. Mungu Dieu c'est la vie. Mungu ni bushima. Dieu n'est pas se prétendre. Mungu anakuwazia. Alléluia. Amen. Il dit anasema La marque du véritable croyant. Montrant qu'il était au milieu d'eux. En effet, par ce miracle, il s'est montré et s'est manifesté. Paragraphe 39. Maintenant, dépenser qu'une église. Pardon? Dépasser une église qui a été bâti sur cela, laisser le monde infiltrer, eh bien, Cela suscitera certainement l'indignation d'un authentique et véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes là, wakati tuku pale, et si nous ne pratiquons pas, na kama tutumikie, ou bien si nous mettons au kama tunaweka, le monde infiltré tunaacha dunia inaingia, dans notre vie, mu maisha yetu, tout cela, ile yote, c'est pour dédaigner ni njia kuhuzunisha, le véritable serviteur de Dieu. Kuhuzunisha mtumishi wa Mungu wa kweli. Parce que toi tu es incroyable. Sababu woku, parce que si tu es incroyable, toute la promesse devrait être accomplie. Mama lako yote ilipasha kutimizika. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est pour cela, bien-aimé. Jo kwa ile bapendwa. Il faut abandonner. Inafai comme le dit le prophète ici. Baka vie nabii kuna isema. Abandonnons cette vie. Tuache ile maisha. Cette vieille vie tiédée. Ile maisha ya zamani ya ufugufugu. Ce vieux compromis là. Ile mapatano ya zamani. Nous devons abandonner. Tunapasha kuacha hiyo. Pour ne pas salir. Je te chichafushi. La promesse de Dieu. Malako ya Mungu. Alléluia. Amen. Parce que si la promesse ne nous accomplit pas. Babu kama malako haitutimie. Tout cela c'est que les gens cherchent. Ile biote bantu wanatafuta. C'est détruire la puissance de Dieu. Ni kuharibu uwezo ya Mungu. Mais le moment est arrivé. Lakini wakati nesha kufika. Nous devons abandonner. Mwe tunapasha kuacha. Il est ouvugu-vugu. Cette confusion. Il est mufuruko. Nous devons être des croyants. Tu n'as pas chaque fois. Jésus revient bientôt. Yes, on a couru à passas. Nous préparons. Tu n'as jeté pour aller au ciel. Dieu a quoi dans combing? Évitons les tièdes. Tu es pour qu'il ait allié ouvugu-vugu. Ma moto t'es malinité. Ah, on a dit ma moto. Osana kanayoka kandenge wa. Uko tu n'as pas kavu. Bayebi yo chrétien. Aba kujua se kumpanga. Bayebi yo pemo pangano. Aba kujua se kumpanga. Mais osana fasi nini? Sasa uko na pali kani. Pour notre vie. Oui, frère. Message, message, message. Ujumbe, ujumbe, ujumbe. Quel message? Ujumbe kan. Il dit. Anasem. Évitons. Tu es pour que ce vieux compromis. Il est mon patano ya pas. Ou ressuscitant une petite prière le matin. Ah ouais, akuta wo maombi mwa busubui. Une petite petite prière le soir. Ah, nakurudira maombi mwa mangaribi. On se met au lit. Tunaweka tunalala kutana. Alléluia. Amen. Ah, j'aime ça. Mina penda zaidi. Un chrétien. Mu Christu. Chrétien. Mu Christu. Le matin. Asubui. Seigneur. Bwana. Sauvez-moi. Unyokoe. Gardez-moi. Unichunge. Je vais aller au travail. Ninataka kwenda kukazi. Amen. Amen. Le soir. Mangaribi. Seigneur. Bwana. Sauvez-moi. Unyokoe. Je viens par, j'étais parti. Mirinda. Et je suis rentré. Na minarudia. Au nom de Jésus. Jina Yesu. Nous voulons dormir. Tunapenda kulala. Amen. Amen. Ça c'est une tiède. Ile ni ufugufugu. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ah, bina na mafa mbele ya Mungu. Vous savez mon frère. Munajua nduku yangu. La prière. Maombi. C'est créer l'atmosphère. Ni kuumba dalili. Est-ce que vous me comprenez? Eti mkuna nyelewa. C'est lui qui prie. Ule kunaomba. Bien aimé. Mapenda. Il doit créer l'atmosphère. Dieu a besoin de chrétiens courageux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de chrétiens tièdes. Qui suscite des petites prières. Des petites adorations. Non, frère. Non. Tout ce que vous voyez sur la terre. Mettez cela aussi. À notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même si on a un frère, on a un frère. On a un frère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé l'atmosphère. On a créé francs. Si on va considérer est-ce que vous comprenez? Et tu m'enlèves? Il faut créer l'atmosphère. Il n'a pas humbe dalili moya. Pasteur. Pastori. Vraiment. Akika. C'est des problèmes. Niko na mambo. Dès que tu me vois. Ivi unenyona. Je ne suis pas bien. Shina muzuri. Même les enfants. Ataba toto. N'ont pas mangé. Abaya kula. Lere pasteur ayoki. Wakati pasteur atashia. Et tu sais mon thème. Ina gusa royaki. Bana baliete. Batuta bakuri. Pona nini baliete? Jeni ya bakukuri. Dala nene na tambola ki. Ona ivi mnatembea. Dala loko ile kaki. Ona ivi mambo rifika. Sasa. Na ye pa na yo. Mina kuya kwako. Na solliciter. Mina lomba. Oso ngana moyo loko moko. Upate kunisaidia. Quand le pasteur écoute ça. Wakati pasteur ashikia vile. Avec des raisons. Na masababu. Que tu as évoqué. Ile wor mwambie. Tu avais déjà préparé. Ile wor kosha kutayarisha. Il vous donnera. Atakupatia. Ce que tu as besoin. Ile wor kunacho lazima. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? La prière. Maombi. Ça ne peut pas être la prière. Haiwezi kuwa maombi. De la faiblesse. Ile ya udhaifu. Tu dois créer l'atmosphère. Ina pasha kuumba mbele dalili. Frère, Duku, c'est pour cette raison. Dieu ne nous répond pas. C'est pour cette raison. Il n'y a pas de puissance de Dieu. Pourquoi? Nous adorons selon notre manière. Duku, na budu fatana et namna yetu. Adoration en esprit. Na patu abudu fatana na ro. Bien aimé. Bapen. Dieu, Mungu, il aime aussi la louange. Anapendaka na masifa. Même dans ta prière, hata maombi yako, tu dois le louer. Unapasha kumusifu. Tu dois le louer. Unapasha kumusifu. Vous le louez. Unamtapa. Vous le louez. Unamtapa. Alors maintenant, sasa pale, tu commences à lui donner sa grade. Jo unaanza kumpatia sabu. Tu commences à lui donner sa grade. Unaanza kumnyanyua. Ses fonctions. Et après, tu vas exposer ton problème. Utamwambia sasa mambo yako. Évitons de prier tiédeur. Epuki le maombi ya vuguvugu. C'est te laisser aller là. Ile kuachilia kule. N'a pas d'importance dans la vie d'un croyant. Afamu maisha mwaminifu. Soyez consacré. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi. Une petite prière le matin. Kama ombi kama asubuhi. Une petite prière le soir. Kama ombi kama kaloko mangari. Et on se met au lit. Na unaenda kuitanda. Puis on se lève le matin. Kisha unaamka asubuhi. Ce n'est pas étonnant que. Aina ya kushangaisha kwamba. Nous devenons mondains. Tunakuwa baki dunia. Ce n'est pas étonnant que nous devenons mondains. Aina ya kushangaisha tunakuwa baki dunia. Ce n'est pas étonnant. Aina ya kushangaa. Que le monde s'est infiltré. Dunia isha kutuingilia. Dans cette église. Kuingilia mwi kanisa. Parce que. Kusudi kwa sababu. Faisons plus de prières. Il n'y a plus d'agonie. Il n'y a plus d'agonie. Il n'y a plus de gens qui restent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison. Sababu, nous devons nettoyer tout cela. Nous devons nettoyer tout cela. C'est à ce moment-là que le wakati le Saint-Esprit Rome takatif vous quitte atakutoka jusque-là. Kufikia pali. Lorsque vous avez cela en tête, wakati kuna ile ndani ya kichwa yako, frère, nduku, vous feriez mieux de retourner à l'autel. Utafanya mzuri pate kurudia tu kumimba. Parce que sababu, c'est là que vous trouvez votre place. Voilà comment la mondanité s'est infiltrée. Donnons notre affection à Christ. Regardons Christ. Et à un seul lié. En communion. Les uns envers les autres. Alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous aide. Bwana Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Nous devons abandonner. Tunapasha kuacha. Tout ce que nous faisons là. Bile biote tukunafanya. Créons. Tuumbe. Être un enfant de Dieu. Wa mtoto wa Mungu. C'est celui qui crée les atributs. Wa mtoto wa Mungu ni kuumba madalili mahali mzuri. Alléluia. Amen. Et nous sommes fondés. Na chetu kubenye kujengwa. Sur le fondement des apôtres. Yule ya misingi ya mitume. Et des prophètes. Na ya manabii. Si nous sommes fondés. Kama tukubenye kujengwa yule. Nous devons aussi démontrer. Tunapasha sasa kuonyesha. L'expérience que nous sommes fondés. Onjo ya kwamba tukubenye kujengwa. Frère, Banduku. Toza na taya kubenda kama tuna kingote. Atuna na wakati ya kuleta ya kuita batu. Ubeto benda na jolo ya kafre. Ya kafre. Atubaite na frere yo kaka pe fre. Nduku shikia. Sere yo kaka. Dada shikia. Sere yo ka yo ka. Saka, dada shikia. No. Apana. On a pas ce temps là. Atuna lele wakati. Tobenda na jolo. Tuku Twitter kumpo. No. Apana. Tukokota. On n'a pas besoin de cela encore. Ah, tout le monde a dit que c'est un peu de temps. Je suis un peu de temps. Cri d'appel. Au réveil. Page 5. La volonté de Dieu nous a décrit uniquement à la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez? La volonté de Dieu nous a décrit uniquement dans la parole de Dieu. Et c'est seulement lorsque nous croyons, comme le dit les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu fais, si ce n'était pas, ce ne sont pas scripturaires, bien aimé, tu es en dehors de la, du plan de Dieu. Bien aimé, il dit ceci. C'est seulement lorsque nous croyons, comme le dit les Écritures, que la prière du Fils qui appelle racheter de ses frères et la véritable Église de Jésus-Christ doit maintenant être bâtie sous le fondement original des apôtres et des prophètes selon la parfaite volonté de Dieu. Quelle soit la parfaite volonté de Dieu? Le frère dit, dans l'enseignement et dans la pratique, lorsque vous écoutez, on vous enseigne la vérité, nous devons aussi mettre cela en pratique. Évitons les tièdes. Jésus revient bientôt. Yes, on a dit à Pastas. Il dit ceci. Et qu'on a ces mains. Dans l'enseignement. Et dans la pratique. Nandanya kutumikia nini. L'ordre du fait de sali. Ouais, doit être rétabli. Il n'a pas choisi de rudishwa. Et doit devenir. Na il n'a pas choisi kuya. Une réalité. Oui, kitu kia kweli. Dans la vie de tous. Ndani ya maisha ya boti. Ça doit être une réalité. Vous irez au ciel. Mais la réalité de la vie de Christ n'est pas en toi. Comment tu iras au ciel? Jésus revient bientôt. Yes, on a rudia pas ça. Faites attention, mon frère, ma soeur. Soyons sérieux de tout ce que tu fais. Ne venez pas ici pour que on n'a pas besoin de toi. Ici, on a besoin de racheter. On a besoin de croire, frère. Je vais vous dire une chose. Comme cette église, c'est Dieu qui le prépare. Même si toi, tu refuses de ne pas venir ici, croyez que Dieu Mungu wa kumbi. Comme c'est son église, ils susciteront encore les vrais croyants qu'ils prendraient cette parole en valeur. Vale, na, nous n'adorons pas les gens. Mais nous voulons voir les hommes et les femmes qui servent Dieu. Cela va nous aider. Il est à tout aider. Oui, mon frère. Dio nduku yangu. Même si nous sommes à deux. Atatuku bawili. Mais quand on se rencontre. Lakini wakati tunakutana. C'est pour la gloire de notre Père. Dio tukufu ya baba yetu. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire. Dio tukufu. Et l'honneur. Na heshima. De notre Père. Ya baba yetu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Terminons parce que le temps est parti. Tu malize wakati ninda. L'ordre divin du salut doit être rétabli. Il doit devenir une réalité dans la vie de tous. Ceux qui sont croyants et qui forment le corps de Christ, tel que l'Église était au commencement, c'est ainsi qu'elle doit être à la fin. Bien-aimé, ne mets pas être hypocrite. Servons Dieu réellement. Venez avec un bon cœur. Avec la sincérité. Dieu a besoin de la sincérité. Ne soyez pas négligent. Ne soyez pas tiède. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est grand. Tu dois connaître sa valeur. Le servir selon sa valeur. Et tu verras sa gloire. Mais si tu veux le dédaigner, tu vas comprendre toujours des souffrances, des misères, des tourments. Et tu vas même le critiquer pour dire que ce qu'il a promis n'est pas bon. Or, c'est la vérité. Que le Seigneur nous aide d'être sérieux dans les choses de Dieu, de se préparer sérieusement. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.